Pour dire aller en chinois, on utilise le mot tu. Tu. Doigt noir pointé vers le sol. Tu. Pour dire aller. Ça ressemble beaucoup à habiter, n'est-ce pas? Habiter se dit zhu. Zhu. Et ici, c'est tu. D'accord. Tu. Tu. Donc, comment dites-vous habiter? Zhu. Habiter ou vivre se dit zhu. Oui, rappelez-vous de ma nouvelle conquête qui m'a dit, en voyant l'immense demeure, que j'habite dans les beaux quartiers. Tu zhu de moi, ou quoi? Mais aller se prononce tu. Tu. Oui, on pourrait l'écrire T-C-H-U. Tu. Donc, comment dites-vous aller? Tu. Oui, imaginez un vieux train à vapeur qui traverse une vallée déserte et on n'entend plus que la locomotive qui fait tu, tu, tu, tu, tu. Tu. Doigts noirs pointés vers le sol. Tu. Alors, encore une fois, comment diriez-vous aller? Tu. Tu. Je vais en Chine. Je aller Chine. 我去中国. Je vais en Chine. 我去中国. Ton ami va-t-il en Chine? 你的朋友去中国吗? Ton ami va-t-il en Chine? 你的朋友去中国吗? Je voudrais aller en Chine. 我要去中国. Je voudrais. 要. Comment dites-vous j'ai envie de ou je voudrais? J'ai envie de se dire si en. Je voudrais aller en Chine. Wo si en zhi zhongguo. Attention, c'est xiang en un seul mot. Xiang. C'est ça. Je voudrais aller en Chine. 我想去中国. Nous ne pouvons pas aller en Chine. Nous. 我们. Ne pouvons pas. 不能. Aller Chine. 去中国. Comment dites-vous pouvoir? Non. Non. Non. C'est ça. Non. Comment dites-vous ne pas pouvoir? Pou. Non. C'est ça. Pou. Non. Et comment dites-vous je? Ou. C'est wo. Comment avez-vous dit nous? Wo. Man. Je vais peut-être répéter toute la phrase. Il faut dire man. Avec le point fermé, ton neutre. Alors, redis toute la phrase. Nous ne pouvons pas aller en Chine. 我们不能去中国. Nous ne pouvons pas aller en Chine. 我们不能去中国. Pourquoi? 为什么? Parce que nous voudrions aller en Angleterre. 因为我们想去英国. Non. 英国. Comment dites-vous vouloir avoir envie de? Xiang. Xiang. Alors reprenez. Pourquoi ? Parce que nous voudrions aller en Angleterre. 为什么？因为我们想去英国。